après la main et pris le pied, donné le sein sans arrière-pensée, le laisser sucer. Le lendemain, tu dis mémé, si tu veux bien, allons nous marier, ne plus nous quitter. Mais en chemin, changer d'idée, j'ai dit soudain, laissons la vie aller sans se déchirer. Aime-moi comme moi je t'aime, sans dilemme, sans me changer. Aime-moi comme moi je t'aime, même éloigné, sans se déchirer. Aime-moi comme moi je t'aime, reste la même sans rien changer. Aime-moi comme moi je t'aime, même à côté, sans se déchirer. Sans se déchirer.